الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الشيخ العثيمين رحمه الله دي 7e assise sur un groupe parmi les catégories de personnes face au jeûne. Louange à Allah, l'élever au-dessus de tout égal. Le sanctifier de tout manque ou opposé. Celui qui est exempt de compagne ou d'enfant. Il a élevé les 7 cieux puissants, hauts et sans piliers, et a disposé la terre comme un berceau, affermi par des montagnes ancrées. Il connaît le secret des cœurs et ce que recèlent les poitrines. Il décrète ce qui a été et ce qui sera, de l'égarement comme de la droiture. Dans les mers de sa douceur voguent les navires des serviteurs, et dans le champ de son amour galopent les chevaux des ascètes. Auprès de lui se trouve l'objectif des demandeurs, et la fin des quêteurs. Il voit ce que supportent pour lui ceux qui luttent avec effort. Il voit le cheminement de la fourmi noire dans l'obscurité et sait ce que l'âme murmure dans le secret des croyances. Il s'est montré généreux envers les demandeurs en augmentant leurs provisions et a comblé de dons les travailleurs sincères. Je le loue d'une louange qui surpasse tout nombre et je le remercie pour ses bienfaits. Car plus on le remercie, plus il augmente ses dons. Allah Azza wa Jal dit « وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ » Et votre Seigneur a décrété, si vous êtes reconnaissant, je vous augmenterai, c'est-à-dire en bienfait. Et si vous êtes ingrat, ou mécréant, qui est l'ingratitude, alors mon châtiment est certes dur. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, seul et sans associé, à lui appartient la royauté, lui le miséricordieux envers ses serviteurs. J'atteste que Mohammed est son serviteur et messager, envoyé à toutes les créatures dans toutes les contrées. Qu'Allah le préserve et le vante, ainsi que son compagnon Abu Bakr, qui a sacrifié sa personne et ses biens avec générosité. Omar, qui a excellé et s'est investi pour la victoire de l'islam. Othman, qui a équipé l'armée de la détresse. Jaysh al-Usra, pour qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui équipe l'armée de la difficulté, Jaysh al-Usra, il aura le paradis. Quelle fierté sera la sienne le jour où les témoins se lèveront. Et Ali, connu pour sa bravoure et sa fermeté, ainsi que l'ensemble de sa famille, ses compagnons et ceux qui les suivent en bien jusqu'au jour de l'appel. Mes frères, nous avons précédemment parlé de 5 catégories de personnes concernant les règles du jeûne. Nous parlerons dans cette séance d'un autre groupe parmi ces catégories. La 6e catégorie, le voyageur, à condition qu'il ne cherche pas par son voyage à ruser pour rompre le jeûne. S'il a cette intention, la rupture lui est interdite et le jeûne lui reste obligatoire. S'il ne cherche pas à ruser, il a le choix entre jeûner ou rompre le jeûne. Que la durée de son voyage soit longue ou courte, et que son voyage soit occasionnel ou permanent, comme les pilotes d'avion ou les chauffeurs de taxi, en raison de la portée générale de la parole d'Allah Azza wa Jal, وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne à un nombre égal d'autres jours. Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas pour vous la difficulté. Dans les deux sahihs d'après Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, qui a dit « Nous voyagions avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et celui qui jeûnait ne critiquait pas celui qui ne jeûnait pas, et celui qui ne jeûnait pas ne critiquait pas celui qui jeûnait. » Et dans sahih muslim, d'après Abu Sa'id ibn Khudri, radiyallahu anhu, qui a dit « Il considérait, c'est-à-dire les compagnons, il considérait que celui qui trouvait la force de jeûner faisait une bonne chose, et que celui qui se sentait faible et rompait le jeûne faisait aussi une bonne chose. » Dans les sunan d'Abu Daoud, d'après Hamza ibn Amr al-Aslami, radiyallahu anhu, qui a dit « Ô messager d'Allah, je possède des montures que je soigne, sur lesquelles je voyage et que je loue. Il m'arrive que ce mois, c'est-à-dire Ramadan, coïncide avec mes voyages alors que j'ai la force et que je suis jeûne. Je trouve, ô messager d'Allah, que jeûner m'est plus facile que de le reporter et d'en avoir une dette. Dois-je jeûner pour obtenir une plus grande récompense ou dois-je rompre le jeûne ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit « Ayya dhalika shi'ta ya Hamza, choisis ce que tu veux. » Hamza. Le cheikh dit, sa chaîne comporte une faiblesse, mais il a des témoins. Et son origine est dans Muslim. Et le hadith est dans Muslim. Avec d'autres termes, Hamza dit, messager d'Allah, je me sens la force de jeûner en voyage. Y a-t-il un grief contre moi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, c'est une permission d'Allah. Celui qui l'apprend fait bien, et celui qui préfère jeûner ne commet aucun péché. Et également dans le Bukhari, d'après Aïcha, que Hamza ibn Amr al-Aslami, donc le même compagnon, a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que je jeûne en voyage? Et c'était quelqu'un qui jeûnait beaucoup. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, in shi'ta fa sum wa in shi'ta fa aftir. Si tu veux, jeûne, et si tu veux, romps le jeûne. Ensuite, le cheikh dit, ainsi, si le chauffeur de taxi trouve le jeûne difficile en voyage, à cause de la chaleur par exemple, Il le reporte à un moment où le temps est plus frais et le jeûne plus facile. Alors le chauffeur de taxi dont parle Cher, c'est quelqu'un qui fait des grands trajets, des trajets de voyage. C'est pas quelqu'un qui fait seulement la ville. Car là, il n'est pas voyageur. Il dit ensuite, l'idéal pour le voyageur est de faire ce qui lui est le plus aisé. Si les deux, jeûner ou rompre, sont équivalents, alors jeûner est préférable, car cela libère plus vite sa responsabilité et c'est plus motivant de jeûner avec les gens. C'était la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme dans Sahih Muslim d'après Abu Darda, radiyallahu an, qui a dit, nous sommes sortis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant Ramadan, sous une chaleur intense, au point où l'un de nous devait mettre sa main sur sa tête à cause de la chaleur, et nul parmi nous ne jeûnait sauf le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et Abdullah ibn Rawaha. Cependant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rompu le jeûne pour ménager ses compagnons lorsqu'il apprit que le jeûne devenait trop difficile pour eux. D'après Jabir radiallahu an, le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortit vers Mecca, l'année de la conquête, et jeûna jusqu'à atteindre Qura al-Ghamim, qui est entre Mecca et Al-Madina. Al-Ghamim est un wadi à environ 13 km de Usfan. Les gens jeûnaient avec lui. On lui dit alors, le jeûne est devenu pénible pour les gens et ils attendent de voir ce que tu vas faire. Il demanda alors un récipient d'eau après le Asr et but alors que les gens le regardaient, rapporté par Muslim. Lorsque les musulmans ont conquis Mecca, c'était durant Ramadan, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a ordonné de rompre le jeûne afin d'avoir une force. Car avec la chaleur et le jeûne, le combattant devient faible, plus faible que s'il ne jeûne pas. Il dit ensuite, quant au récit d'Abu Saïd al-Khudri, radiyallahu anhu, mentionnant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam arriva près d'un cours d'eau, alors que les gens marchaient à pied en jeûnant par une journée caniculaire, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sur sa mule et dit, Ishrabu ayyuhannas, buvez aux gens. Mais ils refusèrent, il dit alors, Inni lestu mislakum, inni aysarukum, inni rakib. Je ne suis pas comme vous, je suis dans une situation plus aisée, je suis sur une monture. Ils refusèrent encore, alors il posa sa jambe, descendit, but et les gens burent avec lui. Rapporté par Ahmed. Le cheikh cite en note que dans Al-Fath al-Rabbani, qui est un tahrir de Mousnad Ahmed, il dit que sa chaîne est Jayyid. Jayyid, c'est entre le Hassan et Sahih, entre le bon et l'authentique. Malheureusement, dans sa chaîne, il y a un matrouk, un rapporteur délaissé, et certains l'ont même traité de menteur. Donc la chaîne est très faible. Et ce qu'on a cité précédemment comme hadith suffit pour ce sujet. Le cheikh dit ensuite, si le voyageur trouve le jeûne pénible, il doit rompre le jeûne. Dans le hadith de Jabir précité, lorsqu'on apprit au prophète sallallahu alayhi wa sallam que certains continuaient à jeûner alors que c'était devenu difficile, il dit, Oulaïka al-Usat, Oulaïka al-Usah. Ceux-là sont les désobéissants, ceux-là sont les désobéissants. Rapporté par Muslim. Également dans les deux sahirs d'après Jabir, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en voyage et vit une foule entourant un homme à qui on faisait de l'ombre. Il demanda, Mahada, qu'est-ce que c'est? Ils dirent, c'est un jeûneur. Il dit alors, Laysa min al-birri siyam fi safar. Le jeûne en voyage ne fait pas partie de la piété. Et ce hadith a été rapporté, mais par une chaîne faible, avec la langue de Himyar, qui est au Yémen. Cette tribu n'utilise pas al comme article, mais am, avec une mime. Donc le hadith devient Laysa min al-birri siyam fi safar. Mais comme j'ai dit, ce n'est pas rapporté authentiquement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en parlant de la façon dont Himyar parle. Le cheikh dit ensuite, si le voyageur arrive dans sa ville pendant la journée de Ramadan, alors qu'il ne jeûnait pas, son jeûne pour ce jour n'est pas valide, car il n'a pas commencé au début de la journée. Et le jeûne obligatoire n'est valide qu'en commençant depuis le fajr, c'est-à-dire avec une niya avant le fajr. Par là, le cheikh fait allusion au fait que le jeûne non obligatoire, il est permis de commencer la journée sans avoir l'intention de jeûner, puis de mettre l'intention de jeûner pendant le matin par exemple, à la condition de n'avoir rien ingurgité avant ça. Il dit ensuite, cependant, doit-il s'abstenir de manger pour le reste du jour? Les savants ont divergé. Certains disent qu'il doit s'abstenir par respect pour le temps, c'est-à-dire que c'est Ramadan, tout en devant rattraper le jour. C'est l'avis célèbre chez l'imam Ahmed. D'autres disent qu'il n'est pas obligé de s'abstenir car cela ne lui profite en rien puisqu'il doit déjà rattraper le jour. Et le caractère sacré du temps a été levé par la permission de rompre le jeûne au début de la journée, car il était voyageur. Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, a dit, Man akala awwal an-nahar falyakul akhira. Celui qui a mangé au début de la journée peut manger à la fin. Et c'est l'avis de Malik, la Shafi'i, et c'est une transmission de Ahmed, c'est un avis de Ahmed. Toutefois, il ne doit pas manger ou boire ostensiblement, car la raison de sa rupture est cachée afin d'éviter les mauvais soupçons ou d'être imité à tort. Et il est dans une ville au milieu des gens, il va pas manger ou boire devant les gens, car les gens ne savent pas qu'il a une raison pour rompre le jeûne. Donc il fait ça de façon cachée. Sinon, les gens vont se dire, celui-là, il rompt le jeûne, il jeûne pas pendant Ramadan. La septième catégorie, le malade dont on espère la guérison. Il a trois états. Premièrement, le jeûne ne lui est ni pénible ni nuisible. Il doit alors jeûner car il n'a pas d'excuse. Comme par exemple quelqu'un qui a une petite blessure ou qui a un rhume, il n'a pas d'excuse pour ne pas jeûner. Deuxièmement, le jeûne lui est pénible mais pas nuisible. Il rompt le jeûne en raison du verset « وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ » Celui donc qui est malade ou en voyage, il jeûnera un nombre équivalent de jours. Il lui est alors déconseillé de jeûner avec cette difficulté car c'est un refus de prendre la permission d'Allah et une torture pour lui-même. Et dans le hadith, إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُعْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُعْتَى مَعْصِيَتُهُ Allah aime que l'on use de ses permissions comme il déteste que l'on commette des péchés ou qu'on lui désobéisse. Rapporté par Ahmed ibn Hibban et ibn Khuzaima et authentifié par Sheikh Al-Albani. Et dans une version, كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُعْتَى عَزَائِمُهُ comme il aime qu'on fasse ce qu'il a rendu obligatoire. Troisièmement, le jeûne lui est nuisible. Il a alors l'obligation de rompre le jeûne et il lui est interdit de jeûner en raison de sa parole. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا et ne vous tuez pas vous-même, Allah en vérité est miséricordieux envers vous. Et sa parole à Zawajal, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ et ne vous jetez pas de vos propres mains dans la destruction. Et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, إِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ton corps a un droit sur toi. Rapporté par Al-Bukhari. Et il est de son droit de ne pas lui nuire alors que la permission d'Allah existe. Et sa parole, la darara wa la dirar, pas de préjudice à subir ni à infliger, rapporté par Ibn Majah et Al-Hakim. Si la médecine prouve que le jeûne provoque une maladie ou retarde la guérison, la rupture est permise pour préserver la santé. Si le risque est temporaire, il attend sa disparition pour rattraper. S'il est permanent, il suit la règle de la cinquième catégorie, il rompt et il nourrit un pauvre par jour. Ô Allah, accorde-nous le succès pour œuvrer dans ce qui te satisfait. Éloigne-nous des causes de ta colère et de tes désobéissances. Pardonne-nous ainsi qu'à nos parents et à tous les musulmans par ta miséricorde, ô toi le plus miséricordieux des miséricordieux. Qu'Allah préserve et vante notre prophète Mohammed, sa famille et ses compagnons. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.